qu'on parlait de... Est-ce que quand vous étiez petite, on vous a parlé de Gargantua? Oui. Oui. Et dans quelle soupe? De quelle façon? Comme on apprend nos enfants. Est-ce que... est-ce qu'on vous disait par exemple qu'il était passé par ici ou qu'il avait... Non. Non? On a entendu parler comme ça, mais pas qu'il était passé par ici. Ah oui. C'est comme la bête rouge venale qu'on en a parlé comme ça. Jamais on l'a vu ici. Ah non. Ça c'est... on l'a lu dans des vieux papiers. Mmh. Papier. Mmh. Est-ce qu'on faisait un peu peur aux enfants avec des histoires de fées? Non, pas dans mon souvenir. Non, on vous en parle pas. Peut-être, mais pas. Il y avait bien quand même des récits qui racontaient des peurs. Ah ben oui. Bien sûr, mais dans le temps, les enfants, c'était pas trop loin. À part qu'on apprenait à l'école, les parents étaient occupés à faire leur travail, le soir, on s'occupait d'aller au lit. C'était pas du tout la même. Par exemple, du côté... Nathalie, qu'est-ce que tu fais là-bas devant ce chien? Oui, mais enfin, quand vous étiez jeune, on ne vous faisait pas peur avec ça. Et est-ce qu'on parlait du draquet? Ça, c'est bien dit, le draquet, des fois, pour faire peur aux enfants. Oui, voilà. Ici, donc, c'était plutôt le draquet pour faire peur aux enfants que les fées. Parler des brigands qu'il y avait avant et qui passaient dans les villages, non? On avait vu passer quelquefois des mendiants, oui. Des mendiants. Et ils venaient d'où? De partout. Ils cherchaient un peu de peine. Jusqu'à quand on en a vu ici des mendiants? Oh, il y avait très longtemps maintenant qu'on n'en avait pas vu. C'était ce machin de toile, ce machin de... comme ça qui... Avant, on fabriquait du cadis ici. Hein? Dans les maisons, on fabriquait du cadis. On filait. Oui. Ah, vous tissiez, vous faisiez pas la toile? Non, non, on faisait pas la toile. On filait la laine, hein. Mais on faisait pas la toile. Et dans le temps, oui. Au pont, oui. Au pont de Montvert, là, oui. La laine, vous alliez la vendre aux foires? Oh, mais c'est-à-dire qu'on filait la laine, qu'on tissait au pont de Montvert, qu'on faisait. Et puis le restant, c'était pour la consommation, parce qu'il y avait de nombreuses familles, alors il fallait les chauffer. Oui. Et comme les gens n'avaient pas trop de moyens, chacun s'occupait comme il pouvait. Vous savez pas, vous n'avez jamais porté de la laine à Pralong, parce qu'à Pralong, il paraît qu'il tissait à un moment. Non, ici, on allait à Pont de Montvert.